meilleur de la musique dans Nostalgie Urbaine. Allons. Le son de mon A bébé, fais-moi un dépôt. A bébé, alors un ciné. A bébé, t'es la lumière. Les jaloux, ils m'ont parlé. Ah, y'a des garçons d'Abidjan. Et ça va allumer la télé. Samo, Samo, Johnny DJ RVC. Allumez la télé. Mama là, nommé Ledge DB. Ah, ja, ja, ja, bi, bi, bi, le, l'éléphant, fan, fan des mots, mots, mots cachés, chéri coco, chéri coco, 1, 2, 3, hey, chéri coco, coco, coco, coco, coco, coco, chéri coco, coco, coco, coco, chéri coco, chéri coco, coco, coco, coco, coco, J'étais les biais comme Sartori. J'étais les biais comme Patrick. Pata, pata, on connaît pas. Il est, on connaît pas. Allez, petit du bête, on connaît pas. Ma chérie, coco, on va tout donner. C'est pas n'importe qui a la puissance. C'est comme ça l'argent qui t'a demandé. Une fois, les gars, ils disent qu'ils vous aient. Ah, c'est quand même que moi, vous aient. Mais je... Fête nationale Côte d'Ivoire au Ménécré Légende. Samedi 5 août, 19h, spectacle slam. Nouvelle du pays avec l'étudiant et Capégique, passe 5000 francs. Et à 22h, le chroneur Jack Daly en live avec Jack Daly Blues Band. Entrée libre. Dimanche 6 août, soirée inédite 100% femmes sur scène pour chanter la Côte d'Ivoire. Les Bellamando, Aklan, Christiane, Michou en live avec le tour de la musique ivoirienne en revue. Entrée libre, téléphone 07 07 73 45 99. Partenaire Nostalgie. Les vrais tubes restent gravés dans les mémoires. Retrouvez les meilleurs souvenirs des années 80, 90 et 2000 dans Radio Tube avec Serge Kouachi du lundi au jeudi sur Nostalgie de 18h à 20h, 2h non-stop d'émotion. Préparez-vous, vos vacances seront gravées dans le temps. Nostalgie, sérieusement rétro. Nostalgie, sérieusement décalé. Chica Chica Boom. Je pense à un verre. Non! Du sable. Poteau! Tu veux te faire un max d'argent? Simple! Joue avec Boris dans le Chica Chica Boom. Du lundi au vendredi de 11h à 12h et gagne beaucoup d'argent. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Nostalgie, sérieusement généreuse. Nostalgie, sérieusement décalée. Le meilleur de la musique pendant Nostalgie Urbaine. Nouveau quart d'heure de son sur Nostalgie, sérieusement décalé. Vous suivez Urban avec Alvin. À retrouver pour la suite Serge Mello, Kiniwara, Marie-Jo, J'ai besoin d'amour. Et le classique Femme de feu de Gadji Selly, qui est en concert, annoncé en tout cas, les 18 et 20 août 2023, Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire et Salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Le meilleur de la musique pendant Nostalgie Urban. Créateur, c'est moi. Prenez possession tout le monde. C'est quoi? Prenez possession tout le monde. C'est quoi? Prenez possession tout le monde. Président Yannick Aoui, Fonga, Fonga. la musique pendant Nostalgie Urbaine. Moi, à chaque fin de journée, pourquoi me presser à rentrer à la maison? Personne ne m'attend, oh yeah. Personne pour me dire bon arrivé, yeah. Être accompli, c'est bien. Batailler pour gagner sa vie, c'est bien. Mais avoir quelqu'un pour partager toutes ses peines et ses joies, c'est mieux. Entends-tu ma prière? Car moi aussi, j'ai besoin d'amour. D'être seul parce que malade et invalide, abandonné par famille et amis, oh yeah, yeah. Personne pour me prendre dans ses bras, yeah. Après combien d'années, aujourd'hui tu trouves que je suis fané. Pourtant ce sont tes enfants que j'ai portés. Je veux même plus me toucher. Mais moi aussi là, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Moi aussi là, j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Mais moi aussi là, j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Nostalgie urbaine. rien sans l'homme. En vérité, Tito, l'homme n'est rien sans la femme. Dasinago wa sukaza mwana bedia wa keche yo me kire. Derrière un grand monsieur se cache une femme. Fais ça, na weya. non, non, non, raconter. Arrêtez, arrêtez, raconter. Ce que tu n'as pas vu, faut pas parler. Arrêtez, arrêtez, raconter. Non, non, non, arrêtez, raconter. Arrêtez, arrêtez, raconter. Ce que tu n'as pas vu, faut pas parler. Ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, classique ivoirien du genre urbain sont dans Urban Revolution, évidemment, sur Nostalgie sérieusement décalé samedi dimanche midi 14h. Et c'est Alvin qui gère le son. Autre tournant dans cette émission avec Suspect 95 et José Fonds Amoureux et puis KS Bloom, Dieu pile pas foutou, c'est lui qui le dit, restez là. Nostalgie Urban. Je suis fan de toi, mais faut faire la différence. C'est vrai, j'ai des sentiments pour toi, mais les folies d'amoureux, c'est encore devant. L'amoureux, c'est lui qui est prêt à mourir, c'est lui qui est prêt à souffrir. L'amoureux, c'est lui qui peut tout supporter, mais vraiment, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà trop de soucis dans ma vie, je ne peux pas t'ajouter dessus. Si tu comptes sur l'amour pour me fatiguer, je vais te jeter très rapidement. Parce que je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureux. Chose à t'expliquer. S'il y a comportement de mouton, c'est qu'il y a réaction de berger. Quand c'est toi qui déconne, ça tu ne vois pas. Quand tu fous le merde, je ne parle pas. Mais j'ai décidé de te montrer que où toi tu te caches, c'est là-bas je dors. Ça n'a même pas commencé déjà. Tu trembles, trembles, trembles. La folie veut te prendre, prendre, prendre. Tu penses que tu as le contrôle. Pourtant c'est dans ma main, tu manges, manges, manges. Tu me respectes, tu te respectes. Tu me prends bien, je fais pareil. Et si tu veux jouer, je vais te montrer que moi aussi là. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureuse. C'est toi qui as changé de comportement. Tu veux me montrer que tu as des prétendants. Tu te donnes un genre, je n'ai pas ce temps. Je suis sorti à gauche, t'es petit à droite. Tu crois que je sais pas, j'ai le screen et ça date. C'est ce que tu veux faire, allons-y, alright. Mais attention, je suis champion dedans, yeah. Tu n'es pas amoureuse, je suis pas amoureux. On fait quoi ensemble alors? C'est que parmi nous deux, y'a un qui manque. Qui est-ce donc? Qui est fort, qui est amoureux? Qui est amoureux? Sakanate, Sakanate, Sakanate, Sakanate, pile pas photo, il pile pas photo. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Il donne l'eau, il donne banane, mais il pile pas photo. Il donne bois, manioc, mais il pile pas photo. Chacun dans la maison, pile pas photo. Chacun dans la maison, chacun dans sa zone, chacun doit piler son photo. Dieu ne donne pas chaise, mais il donne âme. Dieu peut te montrer une sœur si tu veux femme. Mais c'est la partie où il n'a qu'à la draguer pour te donner la. Tu vas comprendre que Dieu donne gaz, mais il met pari au feu. C'est vrai, papa, nous béni, béni, béni, on est ses bébés. Mais si tu veux pas, para, para, para, dora, bamboro. C'est pas qu'il est méchant, mais la vie est faite de loups. Si tu veux récolter, faut te lever pour semer, sinon rien ne va pousser. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Il donne l'eau, il donne banane, mais il pile pas photo. Il donne bois, manioc, mais il pile pas photo. Oh, chacun dans son goût, chacun dans son goût. Chacun doit faire son goût, chacun doit piler son photo. Il veut pas écouter maman. On dit d'aller bosser, pourquoi tu veux bouder papa? Rien n'est facile, même le royaume des cieux est forcé mon gars. T'en fais mais tu as couché, cuisse de poulet va te trouver là-bas. Poulet va quitter au ciel pour tomber dans ta bouche. Quand tu veux pas papa. Dieu va planter mangué pour toi, il va falloir le nyama pour toi. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Dieu pile pas photo, il pile pas photo. Il donne l'eau, il donne banane, il pile pas photo. Il donne bois, manioc, mais il pile pas photo. Chacun dans la maison, chacun dans la maison. Chacun doit piler son photo. Oh, chacun dans son goût. La gare, vous faites ton goût. Chacun dans son goût. Maman, maison, le goût, vous faites ton goût. Chacun dans son goût. Manou, vite, vous faites ton goût. Chacun dans son goût. Nostalgie urbaine. Tu dis que toi tu ne vas plus aimer encore. Tu dis que toi tu ne vas plus aimer encore. Toi, il y a d'autres qui ont dit ça. Avant toi, il y a d'autres qui ont dit ça. Nostalgie. La cause est oubliée, elle est en train de lever depuis là. Pourtant quand vous l'a quitté, elle m'a dit qu'affaire d'amour là, elle n'est plus dedans. Regardez-le, il sourit comme un fou. Ils sont là mettre gâteau dans sa bouche. Pourtant quand Nadia l'a quitté, il m'a dit qu'affaire d'amour là, il n'est plus dedans. C'est fini, plus jamais elle le voit encore. Dans les conneries, l'amour c'est des conneries. C'est fini, plus jamais elle le voit encore. Dans les bêtises, l'amour c'est des bêtises. C'est fini, plus jamais elle la voit encore. Qu'elle abandonne, elle veut plus y croire. Mais aujourd'hui la voici en train d'acheter des chocolats pour son mental. C'est ce que tu disais hier là. Avant toi, y'a d'autres qui ont dit ça. Ouais, si tu savais pas être un vent. Avant toi, y'a d'autres qui ont dit ça. J'ai pas besoin de quelqu'un pour être aimé. Avant toi, y'a d'autres qui ont dit ça. Avant toi, y'a beaucoup qui ont dit ça. Avant toi, y'a d'autres qui ont dit ça. Ma chérie, faut pas pleurer. La main côté à pigeon, sans comme ça. Il t'a blagué, il a mangé, il a fui. Mais que tu veux, c'est la suite. Si son amour, faut pas presser. Si son amour, faut pas forcer. Et tu pleures, mais tu t'en vas encore. Pour être ouais, celui-ci là, c'est ça. Exclusivité, nostalgie. Bah, j'ai goûté, tu dis que toi tu vas plus aimer encore. Bah, j'ai goûté, tu dis que toi tu vas plus aimer encore. Dans Nostalgie Urbaine. Nana Kenya Tano, George Kanga. Bekoumye, Bekoumye, Eleno Hematayo. Souvenirs des années 80, 90 et 2000 dans Radio Tube avec Serge Kouachi du lundi au jeudi sur Nostalgie de 18h à 20h, 2h non-stop d'émotions. Préparez-vous, vos vacances seront gravées dans le temps. Nostalgie, sérieusement rétro. Nostalgie, sérieusement décalé. Je pense à un verre. Non ! Du sable. Boto ! Tu veux te faire un max d'argent ? Simple ! Joue avec Boris dans le Chica Chica Boom. Du lundi au vendredi de 11h à 12h et gagne beaucoup d'argent. Cherchons l'argent, cherchons l'argent. Nostalgie, sérieusement généreuse. Nostalgie, sérieusement décalée. Nostalgie Urban. Allez, on achève cette première partie d'Urban Revolution en ce dimanche après-midi sur Nostalgie sérieusement décalé. Session nouveauté, la suite marquée par José de la Tour, Amour Multiprise, MC One, Adjo et Michael Abbey, C'est pas l'amour. Le meilleur de la musique dans Nostalgie Urban. que quand tu dis je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas. Le vrai point, c'est que toi tu m'aimes, mais moi je t'aime pas. J'aime un autre, mais lui il aime une autre, donc je fais avec toi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu penses à moi, je pense à lui, lui pense à celle qui pense à un autre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Amour multiplie. Toi tu crois que t'es dans bon, mais t'es dans branchement. Tu penses que t'es dans bon, mais t'es dans branchement. J'ai juste envie de m'évader, juste envie de m'en aller loin d'ici. Prends du recul sans savoir nulle part où aller. Laisse le vent me guider. Comme un nomade, je suis sans boussole, je suis sans repère, aucun raccourci. Juste un caméscope pour capturer tous les bons souvenirs. De couvrir et merveilles, de la boue sous mes oreilles. Oh yeah. Voir de nouveaux paysages aux couleurs d'un arc-en-ciel. Oh yeah. Partir à l'aventure, à la recherche de sensations inoubliables. Juste le temps d'une pause pour écouter les griots chanter. Adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, symphonie d'Afrique. Adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, frontières, parcourir l'hémisphère, changer de paysage, d'atmosphère. Nos différences ne seront plus des barrières. J'aimerais me sentir libre, comme le vent. Un nouveau jour, j'observe le soleil levant. À la recherche de sensations inoubliables, l'inhabituel, le temps de faire une pause. J'entends les griots chanter. Let's go. entière, sans distinction de couleur de peau, où les humains et les esprits vivent en harmonie. DSK, coupe la mélodie. Je veux entendre les griots chanter. T'étais dans son coin. Tu l'as vu, tu dis c'est elle qui te plaît. Elle ne t'a rien demandé. Toi seul tu es venu lui promettre le ciel et la terre. Soyez là. Mais pas d'amour elle a accepté. Comme elle te demande rien, toi aussi tu fais pas de gestes. Elle laisse aussi. Elle t'a demandé pour la première fois. Tu cries sous tous les toits qu'elle aime trop le matériel. Mais ce que tu ne sais pas, oh, on est censé s'aider, oh. Mais comme je peux pas compter sur toi, oh, on a qu'à se gérer. Mais pas non, faut pas m'embrouiller. C'est clair. Est-ce que l'amour mange ça? Est-ce que c'est l'amour on va manger? Et quand on te parle, toi dis te fâche. Est-ce que c'est l'amour? Tu es où là? Avec qui? Tu fais quoi? J'ai envie de te voir. Je suis pas sexy. Mais depuis je t'appelle, tu réponds pas. Oh. J'ai l'impression que notre amour a pris un coup. Allô mon bébé, tu me manques. Je veux te voir, je veux te serrer dans mes bras. Je suis la dame sexy. À mes messages du soir, tu réponds pas. Oh. J'ai l'impression que notre amour a pris un coup. La petite qui répond. Mais ce que tu ne sais pas. Oh. Je peux pas compter sur toi, oh. On a qu'à se gérer, mais pas non, faut pas m'embrouiller. Ton blond. Est-ce que l'amour mange ça? Est-ce que c'est l'amour on va manger? Et quand on te parle, toi dis te fâche. Est-ce que c'est l'amour on va manger? Est-ce que l'amour mange ça? Oh. Est-ce que c'est l'amour on va manger? Oh. Et quand on te parle, toi dis te fâche. On the beat. sera plus aveugle que celui qui refuse de voir. Capitaine Yadouche, le roi Salomon, l'homme de la Bible, tu t'élèves, tu t'assois. Abraham le prophète, aroma de lion, et lion n'émerge jamais, Simba national. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui les enterre? Commissaire 5500, le roro du bouquin, fort, et ça la réussite, a dit pour le milliardaire. Sonorités urbaines dans Nostalgie Urbaine tous les samedis et dimanches de 12h à 14h avec Alvin. Nostalgie sérieusement urbaine. Nostalgie sérieusement décalée. Les hits qui déchirent, que de la bonne musique. Baby, baby, un peu parano. Elle dit que c'est la fin, que cette fois-ci elle reviendra plus jamais. Les samedis et dimanches de 12h à 14h dans Nostalgie Urbaine avec Alvin. Yeah, good vibes, en perspective sur Nostalgie sérieusement décalée. H2, allez, on amorce la deuxième partie de Urban Revolution sur Nostalgie sérieusement décalée, le rendez-vous qui vous repasse tous les plus gros succès, les plus gros hits urbains de la décennie. On s'installe dans cette heure avec Serge Beno, C2Z et Didi B. On a pris balle, bienvenue. Nostalgie urbaine. Lecce, lecce, leccero. C2Z. Créaté, t'as capté ou pas, hein? Mon ami, tu sais que dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas. Ils ont dit que c'était fini, mais je prends de les recul pas. Je me répète que t'es dans la vie, mouvement dans mouvement. Mon amour, c'est que tu bénis, en te m'emmène sûrement. Un jour, ils vont prendre un jour seulement, ils vont prendre un. Mon temps, on va péter, ils vont prendre un. Ce n'est qu'une question de temps. Merci, bonté, merci, bonté, merci. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Comment Depuis que je suis enceinte, il ne savait pas que ça pouvait lui prendre la tête. À 2h du matin, j'ai réveillé le monsieur là-haut. Ton enfant a faim, il veut manger ton fils. Il est allé chercher. Ah boy, son petit commerce, on dit elle est comme si. Pourtant la fille a fait un téléphone. Des années 80, 90 et 2000 dans Radio Tube avec Serge Kouachi du lundi au jeudi sur Nostalgie de 18h à 20h, 2h non-stop d'émotion. Préparez-vous, vos vacances seront gravées dans le temps. Nostalgie, sérieusement rétro. Nostalgie, sérieusement décalé. Je pense à un verre. Non ! Du sable. Moto ! Tu veux te faire un max d'argent ? Simple ! Joue avec Boris dans le Chica Chica Boom. Du lundi au vendredi de 11h à 12h et gagne beaucoup d'argent. Cherchons l'argent, Nostalgie, sérieusement généreuse. Nostalgie, sérieusement décalée. Le meilleur de la musique pendant Nostalgie Urbaine. Le son tourne sur Nostalgie, sérieusement décalé. C'est Alvin qui vous entretient du son jusqu'aux portes de l'après-midi. On se fait une suite de Selecta avec Two Boys et José. La vérité et puis Black K, tu vas lu l'air. Nostalgie Urbaine. Dancer on the beat. C'est toujours à vous qu'on fait du tort. Toujours les premiers à expliquer pourquoi se justifier. Je n'ai pas encore parlé, mais toi tu es agité. Mon ami, j'aime plus ton corps, mais tu manges mon nom. On dirait que sans moi tu ne respires plus. Je suis ton idole, ça je sais. Tu crois que je te déteste, non. Je t'ai oublié. Ça va te passer. Apparemment, je te manque. Mon histoire dans ta bouche, mes affaires dans tes mains. Tout ça, c'est quoi? Mais pour briller, c'est nous. On fait pas exprès, pas besoin de plaire à tout le monde. Tu me vois et tu te fâches par rapport à quoi tu te. Chez Kivan. Et toi dis-moi, dis, on n'est pas dedans, pas dedans. Comme Itouré. Donc tu penses que quand tu me parles plus je meurs. J'entends tes menaces et tu crois que j'ai peur. Attends, tu me fais rire, ou bien tu n'as pas de vie. Continue de m'embraser, la vie va passer. Tu vas rester là, et même Zokaïwe. Zokaïwe. Zokaïwe. Maman Zokaïwe. Zokaïwe. C'est quand la viande est cabouille en train de bouillir dans la marmite que tu te rends compte que tu t'es trompé sur son odeur. Et il sent pas mauvais. On t'invite, tu viens, ta copine. Tu vas lui. T'as pas dit que le coupon est sûr. Tu vas lui. J'ai écrit son nom sur ta poitrine. Tu vas lui. Mais à ça, tu cherches ton nom, donc tu veux back. Hey. Tu vas lui. Il a bu à côté, tu vas apprécier. Tu vas lui. Arrivé payé, numéro passe plus. Tu vas lui l'air. On nous envoie ici, on nous envoie là-bas. On sait même pas où aller. T'as menti dans ton CV. Master. Tu dis que toi tu sais parler anglais. Maintenant on te dit what do you do. Tu dis c'est doux. L'invitation des cinémas est devenue soirée Netflix. Et puis toi tu t'en vas là-bas. Voilà. Tu as bu. On a bien bu, tu as dansé avec tout le monde. Yeah. Maintenant on envoie la facture. Okay. C'est là que Pipi te sait, hein. Tu es un photo chic dans les coins chic. Voilà, on t'a invité à Dubaï pour manger les Dubaï. Cake, boson anal. On t'invite, tu viens, ta copine. Tu vas lui. T'as pas dit que le coupon est sûr. Tu vas lui. J'ai écrit son nom sur ta poitrine. Tu vas lui. Mais à ça, tu cherches ton nom, donc tu veux back. Hey. Tu vas lui. Il a bu à ton thé, tu vas apprécier. Tu vas lui. Arrivé payé, numéro passe plus. Tu vas lui. On nous envoie ici, on nous envoie là-bas. On sait même pas où aller. Oh, tu as sauté clôture pour aller chez ta go. Tu es tombé devant chien. Tout change, elle va devenir sanciente. Mais il est trop chien. Infailliblement, tu étais ivre. Elle parle d'horloge biologique. Toi, tu lui donnes ta montre. Hey. Tu vas qu'il s'appelle l'héritier. Tu pensais qu'il avait l'argent. Tu as chargé le mango piqué. Là, pourtant, c'est juste un sinon. Tu vas lui. Momo Ayek, Ibrahim Fama Diabaté, Momo le prince de Paris. Tu vas lui l'air. Il a bien toté, tu vas apprécier. Baba ni la corbeille. Arrivé payé, numéro passe plus. Tu vas lui l'air. On nous envoie ici, on nous envoie là-bas. On sait même pas où aller. Bébé, dépôt là c'est comment? Eh hey, bébé, tu n'as pas vidéo. Tout l'enlève sur compte de maman. Aide. Mustafa Bamba, Benana, ça fait 8 heures. Sultan Samassi, Massimo de Dallas, Samo Samoko, Yvon Lille. C'est quoi même? Scotty Sefa, nommé le JB. Nostalgie, nostalgie. De la musique dans Nostalgie Urbaine. Si t'es déjà transpiré, tu peux dire on. C'est pour tous ceux que l'amour a rendu ding ding ding ding ding ding ding. Tout le monde a reconnu. Maman dira yogouta la yogoudile. Maman dira yogouta la yogoudile. Maman dira yogouta la yogoudile. Depuis je suis fan de moi, je suis fan de toi. Depuis je toute ma joie. Moi, Philippe, entre nous deux, c'est n'importe quoi. Pita, hey. Du talent. Tout le monde est que dans le dengue. Mignon, mon amour. Ah, ma petite Annie Oira, comment tu danses? Fouri, fouri, Forman, oh. Yasmin, Lina. Tu me rendengues. Quand tu me dis je te rendengues, c'est la dengologie. Je veux manger bongo chobi et faire l'amour. Aïna, aïna, Agaba Yaira. Voilà la partie là. Yvette, future line. DMC. Le meilleur de la musique dans Nostalgie Urbaine. On revient dans les dégâts, on vient s'amuser. Abidjan, Paris, en passant par les villages. On vient s'amuser, on arrive, la musique est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. On vient s'amuser, s'amuser. Ah, faut ton jaillet, oh. La jeunesse y en aura pas de. Ah, faut ton jaillet, oh. La jeunesse y en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux, tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux. La joie c'est de ce côté. On vient s'amuser. Partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. Ces soucis peut s'ajouter un peu de vie. Si t'as pas de vêtements, regarde les oiseaux des champs. Ils ne font qu'un boulot. Tu leur donnes ce qu'il leur faut. Ne t'inquiète pas pour tes problèmes. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui tu as le souffle de vie, tu n'as pas de maladie. Dieu t'a donné des enfants, ainsi que la santé de tes parents. Tu as la grâce d'être au boulot, tu peux manger de bons morceaux. Ne t'inquiète pas pour tes problèmes, à chaque jour suffit sa peine. Pas besoin de bavardage, on vient s'amuser. Abidjan à Londres, on ne fait pas de gaspillage. On vient s'amuser, bon arrivé, la joie c'est de ce côté. On vient s'amuser, partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser. À passer ensemble dans Urban sur Nostalgie et on poursuit notre randonnée musicale avec deux Bordeaux Likounfa, Do Do Do, le gros feat avec Didi B et un énorme classique, un classique désormais de la culture et du rap ivoire, Tigini de Kikimo Téléba, certifié triple disque de platine. Ne bougez surtout pas. Le meilleur de la musique dans Nostalgie Urban. I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, I wanna hear me, I wanna go, péri déborder. Ton inspiration ça va déborder. Elle est fondée toi mais t'es fondée sur tout le pays. Faut partir sur l'aucun de. Ah tiens écoutez une voix, faut biser. Tu veux ton nom dans le son, faut miser. Et si vendre toi, toi tu cherches milliardaire. Ok, Francis Wemba s'il vous plaît. Sont pour déranger, mais les bodies sont pour danser, mais les bodies sont pour bouger. Bien quand t'as bien à vous danser, l'argent il m'a dit vieux mort quand t'as 500 pro. Un dos stress qui disent qu'il arrive. Il n'est pas sous, il n'est pas mieux. Mais avant de partir, je lui fais signe. Je dis jamais casino ici, c'est en France, moi et Paris. Son nègre décédé, donc il l'a mis dans le baka pour le ramener à la vie. Il est aveugle, mais dès qu'ils lui ont donné bien, tout le monde a crié, il voit. Il dit pas de gommer, mais on dit mon rappel lourd. Il dit tout le temps rassasié. Donc il regarde les films, il regarde jamais la fin. Ils ont peur de moi, ça et c'est. Quand arrive le petit tremble, le petit est venu pour tout valider. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Mais les petits sont pour danser, mais les petits sont pour bouger. Y'a qu'à ta bina pour danser. Je veux ça. Vacances à Monaco, DJ Drogba, t'es où ça? Samuel et toi ramène-nous du monde pour venir danser. Du tawi, du dembo, de sa prête quand ça va chauffer. Bragata, bragata, brokotoko, toko, yata, paprikata, brokotoko. Yata, paprikata, brikiti, kiti, kiti, kiti, kiti, daga, yé, yé, yé. Sans vraiment, ils ont peur de moi, ça est sain. Quand arrive le petit tremble, le petit est venu pour tout valider. Fino Gabbana. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Mais les bodies sont pour danser, mais les bodies sont pour bouger. Y'a qu'à ta bina pour danser. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting avant l'accident. Assos Barbus, Mikey de Paris, David Boucheni, Faba. Nostalgie urbaine. Romy Ventron, Maman Bibi la baronne. Yeah, baby, on va. Faut pas me piquer dans le dos. Marcel Touré, Tipi. Yeah, baby, on va. Ni un meilleur, faut pas me mouler mou dans le dos. Faut pas me piquer dans le dos. Yeah, baby, on va. Ni un meilleur, faut pas me mourou dans le dos. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes, ne me pique pas dans le dos. C'est toi que j'ai choisi parmi toutes les femmes, faut pas me mourou dans le dos. Olga Kotale. Matilda. Tu es mon bonheur, avec toi je vis l'amour. T'es mon âme sœur, bébé, je t'aimerai pour toujours, oh, coco. Adja Bakayoko, Lolo Bakayoko. On reconnaît la valeur d'un homme par l'apparence de sa femme. Ah, ah, ah, ah. Bébé, tu es belle, beaucoup de prétendants. Aujourd'hui, c'est à cause de moi, il faut jamais l'oublier. Sengole, Natasha Kadio, Yoko, Yembe Ilego, Eva Zairo, Aka Eva, Yoko, Yoko, Evelyne Bloa, la marraine. La fidélité d'une femme, oh non, son homme, la fidélité te grandit, bébé. Bébé, tu sais. Tous ces vautours aux alentours qui défendent la foule, c'est pour gâter notre amour. Raïssa Kouaou. Yeah, Beyoba. Ni Beyo, faut pas me piquer dans le dos. Mireille Pikaourou. C'est Tierra Mareno, Guadio, Yokoko. Si ta femme est dehors et que y'a personne pour la draguer, faut t'inquiéter, y'a quelque chose qui va pas. Une femme doit te draguer pour se sentir belle. Si moi je l'ai choisi parmi toutes les femmes, moi j'ai confiance à ma go. Draguer, elle peut pas me piquer dans le dos. Isabelle Cassie. Jean, il est trop sapé, oh. Il joue les beaux gosses dans la soirée. Il passe, il passe, il fait les clochards, il fait les yeux. Tout ça là pour mourou mourou dans mon dos. Betty Dosso, Nathalie Falconier. Comme il peut pas venir lui-même, il envoie la serveuse de la soirée. Tant pis, tu es belle, tu es ton patron, tu me plais. Donne-moi ton numéro, y a quelqu'un à l'envoyer. Tout te mourou mourou dans le dos. C'est moi qui l'ai choisi parmi tous. Moi j'ai confiance à ma go. Elle peut pas me piquer dans le dos. J'ai un mounou mounou dans le dos. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, MICEF, en partenariat avec Nostalgie, organise la 12e édition du RIF. Thème: Femmes, Jésus-Christ est Seigneur. Prédicateur, fondateur Clément Akobé, Père Bienvenu Djéa, Yvette Niamke, Marie-Cécile Agoussi et bien d'autres du 4